Les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée en date du 15 à propos de l'élaboration aux États-Unis du plan d'opération de raid de précision contre nous ont été présentées le 17 par la Télésur du Venezuela et le 16 et 17 par le journal uruguayen La Juventud et les homepages d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste et du Comité national d'études des aides du Congo démocratique.